fêtons aujourd'hui les Germaines. Alors, bonne fête à toutes les Germaines qui écoutent Radio Chevaucheur en ce moment et passez une très bonne journée. Radio Chevaucheur vous propose en ce dimanche une nouvelle bière qui s'appelle Vulpio. C'est une bière locale de la région de Wépion, une bière familiale qui est tenue par deux frères wépionnais. Si vous voulez la découvrir, vous pouvez le faire à Radio Chevaucheur ce dimanche. Il y a la blonde qui fait 5 degrés et l'ambrée qui fait 8,2 degrés. Voilà, si vous voulez la goûter, c'est à Radio Chevaucheur. Cette semaine, eh bien, on retrouvera Étienne qui viendra nous parler de François Hardy à 18h jeudi dans son émission Remember It. Robert recevra dans son émission la toute première fois, eh bien, qui es-tu? Eh bien, ce sera le vendredi qui arrive à 15h où il accueillera Jean-Paul. Si vous avez un métier à nous faire découvrir, une passion, pourquoi pas vous renseigner à Radio Chevaucheur et venir parler sur nos antennes. Prochainement, il y aura un deuxième numéro de téléphone de Radio Chevaucheur pour les jeux, c'est-à-dire le prochainement, et vous aurez l'occasion de jouer avec quelques animateurs, et là, vous aurez un numéro spécial de GSM, où vous pourrez appeler et gagner naturellement dès le mardi. Vous aurez déjà la possibilité de gagner des places de cinéma. Ah, si on pouvait avoir un peu de soleil, mais à Chevaucheur, il y a toujours du soleil, car nous sommes en musique jusqu'à 22h, et vous avez peut-être été les heureux gagnants du loto le 7, le 11, le 15, le 17, le 19, le 38 et le 26. Pour le Joker Plus, 708-370, signe Gémeaux. Alors, en parlant de soleil, eh bien, il y a un peu de chaleur à Radio Chevaucheur. Ne vous inquiétez pas, on a fait tout pour. Et oui, je vais vous dire que ce dimanche, nous aurons Manu de Fer à la guinguette de Radio Chevaucheur. Dimanche prochain, on est en congé. Puis le dimanche qui suit, le 30, nous serons en compagnie de Josiane Martin. Et le 7 juillet, de Cathy Minet et Patrick Duquenois. Et puis, ce sera 15 jours de vacances avant de retrouver notre activité à la guinguette de Radio Chevaucheur. Ce sera une journée récréative comme on a eu hier. Au mois d'août, on sera en déplacement dans deux domaines, dans les Ardennes belges, également à Neuvremont. Et au mois de septembre, à la vieille boucle lustinoise. Je ne pense qu'à ça. Merci à Ria, Sébastien, de petits messages que nous recevons pour les 42 ans de Radio Chevaucheur, ainsi qu'à Édouard et François et Didier de Neuville-les-Bois. On dédicace votre petit bonjour dès 9h30 par notre GSM. Si vous le souhaitez, le standard sera ouvert dès lors. En direct de la guinguette de Radio Chevaucheur, voici l'apéritif musette. Bienvenue à vous tous et toutes sur la 105.5 www.radiochevaucheur.be. Tout à l'heure à la guinguette de Radio Chevaucheur. Les parrains et marraines de cette émission sont David et Karine de Courrières, Josette et Émile de Bioule, Josette Francine, Nicole et Jacques, Robert et Yves, Jacqueline et Michel, Loulou d'Ivoire, Alain et Denis de Malone, Nicole de Staff, Luce de Mettez, Gisèle de Gèvres, Daniel et Monique, Papy Georges, Eliane de Profonde Ville et François et Monique de Dorine. Quoi que vous fassiez, que vous soyez passé un bon dimanche à l'écoute de Radio Chevaucheur, il est 9h27. Nous fêtons les Germaines. Bonne fête, Germaine. vos appels téléphoniques à notre standard que vous connaissez par votre abonnement et vos petits messages. Aujourd'hui, je les accepte au 0477 59 48 43. L'apéritif Musette, eh bien, elle est offerte tout spécialement à toutes les personnes qui sont à l'écoute de Radio Chevaucheur avec un bon dimanche à tous et à toutes de la part de Mathieu Lejean. Merci Mathieu de ton appel, une bonne journée. Et également François et Didier de Neuville-les-Bois remet le bonjour à toute la grande chaîne de Radio Chevaucheur. Souhaite à Radio Chevaucheur un bon anniversaire, beaucoup de joie, de bonheur et surtout la santé aux personnes qui seront à la guinguette cette journée. Un bon amusement. Voici pour vous le baillon à Jojo. Robert et Yves souhaitent une bonne journée à tous ceux et celles qui seront à la guinguette cette journée et souhaitent également une bonne fête à toutes les germaines qui écoutent Radio Chevauchoir. Merci de votre appel Robert et Yves et nous allons écouter pour vous le prochain titre. Alors, nous venons de recevoir Viviane qui est arrivée à la guinguette de Radio Chevauchoir. Ça va Viviane? Oui, ça va Lisiane, et toi? La route a été bonne? Oui, ça a été sous la pluie. Mais sous la pluie, oui, ouais. Hein, voilà. Alors Viviane, on va faire cet apéritif musette ensemble jusqu'à midi. On rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous appeler. Hein. Toujours avec le même numéro, votre abonnement. Oui, c'est ça. Ok, alors je vais te demander, comme on n'est pas au studio, de te rapprocher au plus près du micro ou l'inverse, ou tu tires le micro vers toi, c'est comme tu veux. Voilà. Et aujourd'hui, nous fêtons les germaines. Oui, bonne fête à toutes les germaines. Tu en connais? Non. Non, tu n'en connais pas. Non, je n'en connais pas, mais il y en a sûrement. Ben oui, je m'en doute. Hein. Alors, avant de poursuivre les dédicaces, on va écouter le prochain morceau, et puis on se retrouve avec Viviane après pour le prochain titre. Nous avons une dédicace hein, qui vient de notre standard, hein, Viviane, on oui, t'écoute. C'est Josette Francine de Bulle qui remet bien le bonjour à toute l'équipe de Radio Chevauchois. Un bon anniversaire et beaucoup d'amusement pour cet après-midi de la part de Josette Francine de Bulle. Un grand merci à toi Josette. Nous allons écouter pour toi Francis Jacques qui va nous jouer Gizmo. Voilà l'accordéon hein, Viviane. Oui, oui. Eh bien, je vais quand même dire bonjour à tout le monde, hein, Lisiane. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je suis ravie de partager les 42 ans de Radio Chevauchoir avec vous, en compagnie de Lisiane. 42 ans, c'est quand même un bail. Oui, hein, ah, oui. Ben, on vous en souhaite encore autant. Oh, merci, ah. Oui, mais je ne crois pas avec moi. Alors, bon anniversaire à Radio Chevauchoir. J'ai une pensée pour Marcel et Simone, hein, qui sont les créateurs, et un grand bravo à Lisiane et Jean-François qui continuent à la faire vivre avec vous tous, bien sûr. Voilà, une bonne journée avec Radio Chevauchoir. Alors, nous écoutons le prochain morceau, c'est l'accordéon marche avec Claude Caron. Claude Caron sur Radio Chevauchoir à la guinguette en direct, hein, Viviane. Oui, moi j'ai un appel de Tante Eliane de Wépion qui souhaite un très bon anniversaire à tout Radio Chevauchoir et remercie Lisiane et Jean-François pour la continuité. Voilà, merci beaucoup Tante Eliane. Nous allons écouter pour toi Guy Tillieu qui va nous jouer Cascade Musette. Et on lui dit à tout à l'heure à la guinguette. Bien, le standard est libre, n'hésitez pas de nous appeler. Nous allons écouter maintenant... je ne sais plus, déjà. Birbarel Polka. Voilà, Birbarel Polka par Jean Corti. Birbarel, pourquoi ne plus danser, Viviane? Tu as la piste de danse pour toi toute seule. Pour moi, toute seule, c'est bien. C'est bien ça. C'est bien, je vais m'entraîner pour tout à l'heure. Alors Viviane, on va continuer. Oui, j'ai un appel, moi, de Papy Georges de Thon, qui souhaite un bon anniversaire à la radio. Des gros bisous à tous les auditeurs, ainsi qu'à Lisiane Jean-François, et à moi, qui n'oublie jamais. Merci beaucoup, Papy Georges, que tout aille bien pour toi. Nous écoutons pour toi maintenant Stéphanie Valls par Jean Courtis.